m'avez-vous manqué? En nous désunissions, tout s'est entouré. Et toi, tu notre caprice, mon concerto. L'amour condamné, Sakini, Sakini, dans la vie, c'est souvent, contre-temps, oh, contre-temps, mais ça, l'amour, oh, jusqu'au dépend moment, tant pour dire oui, et déjà mauvais temps, en tes besoins, ça fait pour qu'il nous parle une fée, non, dis-nous ça, mon cas, dis la yoga à meilleur. Nous sommes un café, un café l'amour. Pas de la peine chercher, réponse là c'était vous. Vous qui pas t'es aimé, vous qui t'es condamné l'amour. Sakini, attends la vie, c'est souvent contre-temps. Mais ça l'amour, wow. J'ai consolé, tout va m'en aller pour pas oublier, pour pas laisser mauvais temps passer. Oh, un mauvais temps passer.